إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 4 dans la lecture du livre de Cheikh Abdus Salam ibn Burgess Abdul Karim. Et le titre du livre c'est Mu'amalatul Hukam fi Daw'il Kitab wa Sunnah, c'est-à-dire le comportement adopté envers les dirigeants à la lumière du Coran et de la Sunnah. On est toujours dans la première partie du livre, Al-Faslul Awwal, et c'est يعني الفصل الأول يا une dizaine de règles ou de principes hein? Donc on va expliquer ces règles là. On en a parlé au dernier cours, je pense qu'au dernier cours on a mentionné la première règle hein? القاعدة الأولى والقاعدة الثانية hein? Le dernier cours c'était, on a fait القاعدة الأولى والثانية. Là, aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de faire aujourd'hui Al-Qa'ida Al-Thalitha Wal-Rabi'a Wal-Khamisa. Donc, on va essayer de faire les trois règles suivantes, Inch'Allah. Donc, on commence tout de suite avec la troisième règle, Al-Qa'ida Al-Thalitha. Le Cheikh Abdus Salam ibn Burgess, Rahimahullah, il dit إذا لم يجتمع المتغلب شو يعني إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته وحرمت معصيته. Ça veut dire quoi cette règle? Ça veut dire que, supposons que on a parlé au dernier cours de l'exemple du dirigeant qui prend le dessus sur les autres et que c'est lui qui s'installe, qui s'établit comme étant le dirigeant. D'accord? Donc, on a parlé de cet exemple-là. On a dit, celui qui prend le dessus sur les autres, même si c'est avec l'épée, c'est lui le dirigeant. D'accord. Maintenant, la règle numéro 3, c'est, si celui qui a pris le dessus sur les autres, hein, et qui est devenu le dirigeant, il ne possède pas les conditions de l'imam pour être un dirigeant, pour être le dirigeant. Parce qu'on sait que dans l'islam, le dirigeant, il y a des conditions. Hein? Ou bien sinon, plutôt, il y a des conditions, il y a des choses qui sont mentionnées par rapport aux dirigeants dans l'islam. Donc on va en mentionner quelques-unes après, mais c'est pour dire que s'il n'a pas, supposons, les conditions où il n'est pas le dirigeant le plus idéal, c'est-à-dire celui qui correspond le plus à l'idéal de ce qu'un dirigeant musulman devrait être, hein? Comme par exemple les qualités d'avoir de la piété, d'avoir de la science, de faire partie de la tribu de Quraysh, hein? Des exemples de ce genre. Donc si il est arrivé à prendre le dessus sur les autres et qu'il a il s'est installé sur le pouvoir et que ça y est, son pouvoir est ferme, on est obligé à ce moment-là de lui obéir, et il est interdit de lui désobéir dans qu'est-ce qu'il ordonne, de qu'est-ce qui n'est pas péché, même s'il n'a pas toutes les conditions nécessaires pour être le dirigeant idéal. Le cheikh, il dit, قال الغزالي لو تعذر وجود الورع والعلم في من يتصدى للإمامة بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام أو فاسق، وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق، حكمنا بانعقاد إمامته، لأن بين أن نحرك فتنة بالاستبدال فما يلقى المسلمون فيه أي في الاستبدال من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة، فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا. Donc il dit, il cite ici les paroles de l'imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali. Il dit, supposons qu'on ne peut pas trouver dans celui qui a pris le pouvoir et qui est devenu imam, on ne trouve pas chez lui la piété et la science. Et c'est-à-dire que celui qui a pris le dessus sur les autres, il est ignorant des règles de la charia, puis c'est un pécheur, un fasiq, un pervers. Et que en essayant de l'enlever du pouvoir pour le remplacer par quelqu'un d'autre, ça risque de faire de la fitna qu'on peut pas, qu'on sera pas capable d'éteindre ou d'arrêter. Dans ce cas-là, on va juger que sa dirigeance et son pouvoir est établi, que c'est à lui qu'on donne, c'est lui qui reste le hakim, c'est à lui qu'on lui donne l'allégeance. Parce que sinon, en essayant de le changer, on risque de faire bouger de la fitna, de faire créer une fitna. Et il dit que le mal qu'on va essayer, le mal qu'on va créer en essayant de l'enlever, ça risque d'être plus grand que le mal de le laisser, hein, tel qu'il est. Hein, puisque même si on veut remplacer par un autre dirigeant qui a les conditions idéal, puis qui est correct, qui a du ilm, qui a de la piété, qui fait partie de la tribu de Quraysh, et ainsi de suite. Si tu veux le remplacer, ça risque de faire, il y en a plus de fitna. Dans ce cas-là, c'est mieux de le laisser. Parce qu'on ne va pas détruire une base d'un bienfait dans le but de rajouter des choses qui sont superficielles ou qui sont supplémentaires, mais du moment que tu as la base, tu dois rester avec ça. C'est comme celui qui veut, par exemple, bâtir un palais, puis pour le bâtir, il va détruire une ville au complet. Tu vois? Donc, toi, tu veux avoir un bon dirigeant qui a toutes les conditions, puis pour faire ça, tu vas faire une grosse fitna. Donc, ça vaut pas la peine. C'est mieux que tu restes avec ce dirigeant-là, qui a des défauts, qui a des péchés, qui est pas idéal, mais au moins, hein, il y a une stabilité, il n'y a pas de fitna. Les gens sont en sécurité, et ainsi de suite. Donc il dit وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام وبفساد الأقضية وذلك محال ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة. Donc c'est ça. Donc il donne l'exemple, il dit c'est mieux qu'il y ait un dirigeant, que le pays soit laissé sans imam, sans dirigeant, sans jugement. Ça c'est interdit, tu peux pas, parce que ça va ramener du désordre dans le pays. Hein? Il faut qu'il y ait un dirigeant, même s'il n'est pas le meilleur possible. Donc il dit on va même parfois accepter l'exécution du jugement des gens de la transgression dans leur pays à cause du besoin, de la nécessité, du besoin qu'on a, puisque si c'est pas eux qui établissent les jugements, il y aura plus de désordre. Donc pourquoi dans ce cas-là on va pas accepter la validité de ce dirigeant-là lorsqu'il y en a un besoin ou même une nécessité. Donc ça c'est la fin de la citation de la parole de Al-Ghazali. Et il dit que cette parole, il dit وَقَدْ نَقَلَ الشَّاطِبِيُّ فِي الْاَعْتِصَامِ كَلَامًا لِلْغَزَالِ نَحْوَ هَذَا لَمَّا مَثَّلَ لِمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ لِلْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ وَهَذَا نَصُّ أَمَّا إِذَا انْعَقَدَتِ الْإِمَامَةِ بِالْبَيْعَةِ أَوْ تَوْلِيَةِ الْعَهْدِ لِمُنْفَكٍ عَنْ رُتْبَةِ الْإِجْتِهَادِ وقامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب بأن خلى الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشروط وجب الاستمرار على الإمامة المعقودة إذا قامت له الشوكة وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرض لإثارة فتنة لإثارة فتن واضطرار أمور لم يجز لهم خلعه والاستبدال به بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته. ثم ضرب الغزالي مثلا رائعا وهو أن العلم اشترط الإمام لتحصيل مزيد من المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد. Donc on va traduire cette partie. Qu'est-ce que le cheikh il dit? Que l'imam al-Shatibi dans son livre Al-I'tisam, il a cité les paroles de l'imam al-Ghazali. Il donnait un exemple à propos de qu'est-ce qu'on a mentionné par rapport aux dirigeants dans les exemples de qu'est-ce qui a rapport avec al-masalih al-mursala. Al-masalih al-mursala, c'est les choses qui n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qui sont apparues après, hein, et que c'est des choses qui sont bénéfiques pour la Ummah. Donc on a le droit de les employer et de les utiliser. C'est comme on avait donné des exemples de al-masalih al-mursala dans le cours quand on a parlé des innovations, des choses de ce genre. On disait, par exemple, ou bien dans le cours qu'on a fait sur le takfir, on expliquait que si le dirigeant, par exemple, il décide de mettre un code de la route pour les voitures et pour les piétons avec les feux de circulation et tout ça, ça fait partie des masalih al-mursala. Pourquoi? Parce que ça n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'y en avait pas de besoin. Tu vois? Donc là, les gens ont établi ces codes-là pour dire que quand la lumière est rouge, tu dois t'arrêter, quand la lumière est verte, tu peux y aller. Et tout ça, c'est pour organiser la société, pour que la circulation soit bonne, pour pas qu'il y ait d'accidents, et ainsi de suite. Les limites de vitesse, et ainsi de suite. Donc ça, c'est, on va pas dire que ça, c'est une bid'a ou une invention contraire à l'islam. On va dire, non, ça c'est des règles qui sont en accord avec l'islam, puis c'est pour le bien des musulmans, puis il n'y a pas de mal là-dedans. D'accord? Donc, ça c'est, qu'est-ce qu'on appelle al-masalih al-mursala. C'est juste un exemple de ça. Mais sinon, ça peut être plus vaste que ça le sujet, mais c'est juste pour vous donner une petite idée de qu'est-ce que ça, Oui, les règles de la dunya, c'est pas les règles de la religion. Non, exactement. Donc il dit amma idha naqadat al-imama. Donc si on a donné la bay'a à un imam, ou bien quelqu'un a choisi quelqu'un comme un dirigeant, il a choisi son successeur, et que la personne qui va prendre sa place après, il est en dessous du niveau ou du degré de l'ijtihad, c'est-à-dire il n'a pas la science nécessaire pour faire des fatwas ou pour connaître les règles de la charia. Mais qu'il a une force et il s'est installé et les gens sont obéissent à ses ordres et que yani, il a une autorité et que à l'époque il n'y a pas un Qurashi, un musulman de la tribu de Quraysh qui est savant, qui est mujtahid et qui réunit toutes les conditions du dirigeant. Dans ce cas-là, on doit rester avec celui qui est au pouvoir et yani, on doit continuer avec lui. Il dit, mais si on suppose qu'il y aurait réellement un Qurashi, un musulman de la tribu de Quraysh, qui est mujtahid, qui a du ilm, qui a de la piété, et qui possède toutes les conditions de l'imam, et que pour le mettre au pouvoir, ça implique qu'on doit faire une grosse fitna en enlevant le premier, il dit, dans ce cas-là, il n'est pas permis de l'enlever et de le remplacer par le Qurashi. Mujtahid. Hein? Il est plutôt obligatoire dans ce cas-là d'obéir à celui qui est au pouvoir. Hein? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, wa in kana 'abdan habashi. Hein? Isma'u wa ati'u. Wa in kana 'abdan habashiyan. Usikum bis-sam'i wa ta'a. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun. Donc ça veut dire, même si c'est un esclave, même si c'est un Éthiopien, même s'il n'est pas Qurashi, ainsi de suite, écoutez-lui et obéissez-lui. Donc c'est ça que ça, que, ça a un rapport avec ça. Non, non, dans le monde entier. Ça, c'est un principe, c'est que si tu as un choix entre deux personnes pour donner une dirigeance, les deux, ils sont égaux dans la piété, les deux, ils sont égaux dans la religion, les deux, ils sont égaux dans la science, dans la sunna, et que un qui est Qurashi, l'autre qui n'est pas Qurashi, tu vas donner précédence à celui qui est Qurashi. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Al-Umara min Quraysh. Hein, les dirigeants sont de Quraysh. D'accord? Non. Donc, ça c'est un exemple. Puis, donc c'est ça. Mais s'il n'y en a pas, donc c'est pas un problème. Mais s'il y en aurait un, là c'est juste pour donner un exemple. Donc on n'aurait pas le droit de le remplacer parce que ça allait créer une plus grosse fitna. Ensuite, il dit, il dit quelque chose, j'ai essayé de comprendre, mais j'ai pas été capable, malheureusement. Donc, il dit, ثم ضرب الغزالي مثلا رائعا وهو أن العلم اشترط الإمام لتحصيل مزيد من المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد. وإذا علم ذلك فإن الثمرة المطلوبة من الإمامة تطفئة الفتن الثائرة من تفرق الآراء المتناحرة. قال الغزالي بعد ذلك فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل المصلحة في الحال تشوفا إلى مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد. انتهى كلامه. Donc il a donné un exemple ici. Je comprends le sens général, mais les détails de qu'est-ce qu'il a mentionné, j'ai du mal à saisir exactement l'exemple, parce qu'il a dit qu'il a donné un bon exemple. Mais qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est, yani, le but d'avoir établi le dirigeant, c'est pour amener un bienfait. Et un de ces exemples-là, qu'est-ce qu'on veut par le fait d'établir un imam et ce bienfait-là, c'est d'éteindre les fitanes et les divisions et les différentes opinions. Donc comment on pourrait accepter de faire une fitna et de commencer à déranger les questions qui ont rapport avec le pouvoir et de justement faire perdre la base de ce bienfait, hein, en essayant de remplacer le dirigeant par un autre. Mais c'est juste le terme quand il dit « al-farq bayna an-nazar wa at-taqlid », je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire par ça, yani. Peut-être qu'il veut dire par rapport à l'ijtihad. Parce que nadar, c'est le fait d'analyser les textes et les preuves. Et at-taqlid, c'est le fait de suivre aveuglément. Donc peut-être que c'est de ça qu'il parle, du fait que... Allahu a'lam, en tout cas. Hein? Oui, c'est ça. Il parle de la science, oui, par rapport à l'ijtihad, puis au ilm, et ainsi de suite. De toute façon... Le sens, qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on a expliqué. Le plus important. Sinon, ça, c'est des petits détails. Il dit, وقال الشاطبي تعليقا على كلام الغزالي. وهذا ما قال, يعني الغزالي, هو متجه بحسب النظر المصلحي, وهو ملائم لتصرفات الشرع, وإن لم يعدده نص على التعيين. وما قرره هو أصل مذهب مالك. ثم ساق الشاطبي رواية عن مالك بن أنس في هذا الباب وتقدم ذكرها. أين تقدم ذكرها, يعني طيب. توكل دي وقال فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح فالمصلحة الترك. Ok, donc l'imam al-Shatibi il a mis un commentaire par rapport à qu'est-ce que l'imam al-Ghazali a dit. Après avoir cité Al-Ghazali, il fait un commentaire, puis il dit, cette parole de Al-Ghazali, c'est une parole qui est basée sur l'observation, puis l'analyse par rapport au bienfait et à la maslaha. Et c'est quelque chose qui est en accord avec les méthodes de la charia, d'analyser les choses de cette façon-là. Même s'il n'a pas cité de texte ou n'a pas mentionné de texte pour confirmer ou supporter sa position de façon explicite et claire, mais ce qu'il a confirmé ou ce qu'il a dit, c'est la base du madhab de l'imam Malik. Donc il dit, puis ensuite, l'imam al-Shatibi, il a cité une narration de l'imam Malik ibn Anas dans ce domaine, dans cette question-là, et on l'a déjà mentionné. Et le cheikh, il cite à la page 27, il dit qu'on en a mentionné cette parole-là à la page 27. Donc, quand je regardais, j'ai pas vu, à moins que ce soit ici quand il dit, فَفِلِ اَعْتِصَامِ لِشَاطِبِي أَنَّ يَحْيَ بْنُ يَحْيَ قِيلَ لَهُ أَلْبَيْعَةُ مَكْرُوهَ قَالَ لَا قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانُوا أَئِمَّةَ جَوْرَ قَالَ قَدْ بَايَعَ Ibn Omar, l'Abd al-Malik ibn Marwan. Aynam. Donc, c'est de ça qu'il parle. Parce que l'imam Yahya ibn Yahya, si je ne me trompe pas, c'est un des élèves ou un des savants maliki. Donc, c'est probablement de cette parole-là qu'on a lu au dernier cours, quand on a dit que si on a donné la veille à un dirigeant, puis qu'il est fasiq, on n'a pas le droit de l'enlever. On doit continuer sur cette veille-là. Et ainsi de suite. Donc c'est ça qu'il dit ici, qu'on a déjà mentionné cette parole-là qui est attribuée à Malik ibn Anas. Puis ensuite il dit فَظَاهِرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ. Donc le sens apparent de cette narration, c'est que si on craint qu'en essayant d'enlever celui qui ne mérite pas d'être au pouvoir et de mettre au pouvoir à sa place celui qui mérite de l'être, qu'il va y avoir une fitna et qu'il va se produire des choses qui ne sont pas bien ou pas correctes, dans ce cas-là, la maslaha, le bienfait, c'est quoi? C'est de laisser ça tomber. C'est-à-dire de ne pas essayer de le remplacer. De ne pas essayer d'enlever celui qui est moins, qui ne mérite pas, par celui qui mérite. Contrairement à ce que les kuffars, eux, ils feraient, tu vois. Eux, ils diraient, ah non, il faut l'enlever, il faut mettre quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Donc il dit وروى البخاري عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمة ولده حشمة جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع هذا الأثر إلا كانت الفصل بيني وبينه. Donc il cite ensuite la parole qui est rapportée par Al-Bukhari selon Nafi', qui est la parole de Ibn Omar qu'on avait cité aussi au dernier cours. Il dit, lorsque les gens de Médine ont enlevé ou ont refusé d'obéir à Yazid ibn Muawiyah et qu'ils ont retiré leur bay'a de Yazid ibn Muawiyah, Ibn Omar a pris ses affaires et il a pris ses enfants avec lui, puis il est parti. Puis il leur a dit avant de partir, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, on va établir au jour de la résurrection une bannière pour toute personne qui a trahi son allégeance et son serment. Puis on va dire, ça c'est la trahison d'un tel, c'est la traîtrise ou c'est sa trahison. Donc, il a dit, Ibn Omar, après avoir dit ça, il a dit, nous, on a donné la bay'a à cet homme, c'est-à-dire Yazid, le fils de Muawiyah. Et on lui a fait cette bay'a, c'est une allégeance au nom d'Allah et de son messager. Et il dit, moi, je ne connais personne parmi vous qui a laissé son allégeance et qui s'est retiré de son allégeance et qui a suivi cette affaire que vous suivez, excepté qu'entre moi et lui, c'est la séparation. C'est-à-dire, c'est fini entre moi et celui qui trahit son engagement. Après, il a dit, وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِي وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْخَيَّاطِ إِنَّ بَيْعَةَ عَبْدِ اللَّهِ لِيَزِيدٍ كَانَتْ كُرْهًا وَأَيْنَ يَزِيدٍ من ابن عمر ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار من التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس وما لا يفيء بخلع يزيد لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه فكيف لا يعلم ذلك قال وهذا أصل عظيم فتفهموه والزموه ترشدوا ان شاء الله انتهى من الاعتصام للشاطبي. Donc il dit que Ibn al-Arabi, il a cité, il a dit que Ibn al-Khayyat, il a dit que l'allégeance de Abdullah ibn Omar pour Yazid, elle était faite par la, il a dit, il a été forcé à le faire. Il dit parce que tu peux pas comparer Ibn Omar à Yazid. Ibn Omar est beaucoup, yani c'est un sahabi, Yazid c'est pas un sahabi, et en même temps, Ibn Omar c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ilm et beaucoup de science et beaucoup de piété, et Yazid c'est pas le cas. Mais il a vu, Abdullah ibn Omar a vu de sa religion, de par sa religion, de par sa science, la science qu'il a et la religion qu'il a, qu'il doit se soumettre à l'ordre d'Allah et au commandement d'Allah. Et s'écarter et fuir de se placer dans, dans la fitna, dans les problèmes, dans les tribulations, du fait que si tu rentres dans cette fitna, qu'est-ce qui arrive? Le résultat, c'est que tu perds tes biens, on perd des vies, on perd des biens, hein? Donc c'est mieux de laisser Yazid au pouvoir, hein? Comme ça au moins on ne va pas faire des fitna pour rien. Et يعني يدير ولو تحقق أن الأمر يعود في نصابه فكيف لا يعلم ذلك. Bon, cette partie-là, je sais pas, je pourrais pas dire qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Après, il dit وقال وهذا أصل عظيم. Donc, il dit après avoir cité ça, il a dit ça, c'est un grand fondement. Donc, comprenez-le et accrochez-vous à ce principe-là et vous allez être bien orienté sur la bonne voie, inshallah. Et donc ça c'est la fin de la parole de l'imam al-Shatibi dans Al-I'tisam. Après il a cité quelque chose en note de bas de page. Donc il dit qu'il a cité des exemples pareils dans d'autres livres. Bon, la règle numéro 4 maintenant. Donc la règle numéro 3 qu'on vient de lire, c'est que s'il y a un dirigeant qui est au pouvoir, c'est lui qui a pris le pouvoir, mais qu'il n'est pas le dirigeant qui a les conditions, il n'a pas toutes les conditions idéales pour être au pouvoir. Malgré tout, c'est obligatoire de lui obéir et de le laisser au pouvoir, plutôt que d'essayer de le remplacer. La règle numéro 4. يَصِحُ لِلْتِرَارِ يَصِحُ فِي الْتِرَارِ تعدد الأئمة ويأخذ كل إمام منهم قطره حكم الإمام الأعظم. C'est ça. Donc la règle numéro 4, on en a parlé déjà au dernier cours. C'est que il est permis, lorsque c'est nécessaire, qu'il y ait plusieurs dirigeants et chaque dirigeant, wa alaykoum salam wa rahmatullah, et chaque dirigeant va être le dirigeant dans sa région, dans la région qu'il dirige. Donc voici ce que le cheikh il explique. Il dit ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول. Donc il dit que celui qui ne distingue pas entre les deux états, soit l'état où, dans lequel on a un choix et l'état dans lequel on est contraint et on a une, c'est une nécessité, alors dans ce cas-là il ignore et la raison et la révélation. Pourquoi? Parce que dans les situations où c'est nécessaire, c'est permis qu'il y ait plusieurs dirigeants, un dirigeant dans chaque région. Mais dans les situations où c'est pas nécessaire et que c'est possible qu'il y ait un seul dirigeant pour tous les musulmans dans tous les pays, que ce soit tous un seul dirigeant qui dirige tous les musulmans, dans ce cas-là, c'est l'idéal. C'est ce qui est obligatoire. Mais dans des cas de nécessité, comme l'état actuel et l'état qui existe depuis des siècles, dans ce cas-là, c'est permis. Et donc, il dit, « Wa qala shaykh al-islam ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Al-a'immatu mujmi'un. الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. Bon, pourquoi les ulama mentionnent ce point-là? C'est un point très très important. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entre les hizbiyins et les jeunes bid'a qui ont organisé par exemple des groupes et des partis islamiques ou des choses comme ça. Eux, ils disent, les hadiths qui mentionnent l'obéissance aux dirigeants et qu'on ne doit pas sortir contre les dirigeants et qu'on doit être patient par rapport à son injustice et ainsi de suite, ils disent ça, c'est seulement les dirigeants. C'est seulement quand c'est un khalifa général pour toute la Ummah. Puis ils disent que si c'est pas pour un dirigeant général pour toute la Ummah, c'est pas obligatoire de lui obéir dans le bien, puis c'est pas obligatoire de ne pas se révolter contre lui, et ainsi de suite. Donc, comme par exemple, puis si on voit la parole de Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit les savants, les imams de la religion, sont tous d'accord dans tous les madhabs que si un dirigeant est au pouvoir dans une région, c'est lui qui a le pouvoir dans une région ou dans plusieurs pays en même temps, c'est lui qui dirige, alors il a le jugement d'être le dirigeant dans tout ce qui a rapport avec le fait d'être un dirigeant. Sinon, la dunya ne pourrait pas être en ordre, on ne pourrait rien établir dans la dunya parce que tout serait en désordre. Et donc il dit, les hommes depuis très longtemps, même avant l'époque de l'imam Ahmad jusqu'à aujourd'hui, ils se sont jamais réunis, toute la Ummah au complet, sur un seul dirigeant. Depuis avant l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc ça fait longtemps que la Ummah est divisée, qu'il y a plusieurs dirigeants pour les musulmans. C'est pas récent, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, ils se sont jamais réunis derrière un seul dirigeant pour toute la Ummah. Et il n'y a aucun d'entre les savants qui a dit quoi que ce soit que du fait que s'il n'y a pas un seul dirigeant et que si ce n'est pas le grand imam, le grand khalifa pour toute la Ummah, que sinon il ne doit pas appliquer les règles de la charia et il ne doit pas faire respecter les ordres d'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Wa qala al-allamatu al-san'ani رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات فميتته ميتة جاهلية. قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. وقوله فارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. انتهى كلامه. Donc c'est ça. Donc il dit, l'imam al-San'ani, il a mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim. que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui sort de l'obéissance, c'est-à-dire il sort de l'obéissance du dirigeant et se sépare de la jama'a, se sépare de la jama'a et qu'il meurt. La jama'a, c'est quoi? C'est le groupe qui est réuni autour d'un dirigeant. C'est ça la jama'a dans un pays. La jama'a, c'est le dirigeant et la population. C'est ça la jama'a. Donc il dit, celui qui se sépare de la jama'a, c'est-à-dire il retire il se retire de l'obéissance de ce dirigeant-là, et qu'il meurt, sa mort sera comme la mort à l'époque de la jahiliya. Non, ça ne veut pas dire qu'il meurt kafir. Ça veut dire qu'il meurt dans un état comme semblable à celle de la jahiliya. C'est-à-dire que les gens dans la jahiliya, ils n'avaient pas un seul dirigeant qui les réunissait tous. Ils étaient tous divisés en tribus, puis ils se battaient les uns les autres. Donc c'est un état dans le sens pour dire que ça ne veut pas dire que la personne meurt dans l'état de la mécréance. Non, ça veut dire que la personne meurt dans une situation semblable à une situation comment elle était à l'époque de la jahiliya. Mais Cheikh Al-Fawzan, il a expliqué ce hadith-là. Il a dit, ça ne veut pas dire que quelqu'un sort de l'islam. Ça veut dire qu'il meurt dans un état qui est pas bon. Tu vois. Mais il dit ensuite, le cheikh pour expliquer le hadith, qu'est-ce que ça veut dire que sort de l'obéissance? Cheikh l'imam As-San'ani, il dit sortir de l'obéissance ici, ça veut dire l'obéissance du khalifa. Et il dit l'obéissance du khalifa autour duquel les musulmans se sont mis d'accord. Et il dit, c'est comme s'il voulait dire ici le khalifa de chaque région, parmi les différentes régions de l'islam, des pays musulmans. Parce que les gens ne se sont pas mis d'accord et réunis tous autour d'un seul khalifa dans tous les pays musulmans depuis l'époque de l'Abbasiyya, l'empire abbasside. Et depuis cette époque-là même, chaque région a un dirigeant indépendant de l'autre qui s'occupe des affaires et des problèmes des gens de cette région-là. Il dit, si on appliquait le hadith uniquement sur le khalifa qui réunit tous les musulmans de la terre, eh bien dans ce cas-là, il y aurait peu de bien, il y aurait peu de profit ou peu de points bénéfiques dans ce hadith-là. Il dit, et quand il dit, et qu'il se sépare de la jama'a, il dit, c'est-à-dire, qu'il sort de la jama'a autour du dirigeant, c'est-à-dire, il sort de la jama'a, le groupe qui se sont mis d'accord d'obéir, le dirigeant autour duquel ils se sont réunis, et qui a organisé leurs affaires, et qui a réuni leurs paroles, et qui les protège contre leurs ennemis. C'est ça que ça veut dire. Donc chaque pays, comme par exemple le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Libye, l'Arabie Saoudite, le Yémen, et ainsi de suite, chacun de ces pays-là, il a un dirigeant, et chacun de ces dirigeants-là, il a le rôle d'appliquer les règles de l'islam et de juger selon la religion d'Allah dans son pays. Il est comme le khalifa. Chaque dirigeant dans son pays, il est comme le khalifa. Même si on ne l'appelle pas khalifa, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas comme le khalifa. Parce que le mot khalifa, c'est juste un titre. Mais si tu l'appelles président, roi, chef, raïs, sultan, peu importe comment tu l'appelles, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il a comme rôle. Mais les gens, ils regardent le nom, tu sais, comme, ah, l'autre il s'appelle Khalifa. C'est pas important qu'il s'appelle Khalifa, l'important c'est c'est lui qui est le dirigeant, c'est lui qui est au pouvoir. Non. Non, si t'as donné une bay'at, tu peux pas la donner à un autre. Ok. Maintenant, il dit ensuite une parole de l'imam Ash-Shawkani. إذ قال العلامة الشوكاني رحمه الله في شرح قول صاحب الأزهار ولا يصح إمامان. Donc l'imam Shawkani explique dans un de ses livres de fiqh la parole de celui qui a écrit le livre Al-Azhar, parce que c'est un sharh, Sayl al-Jarrar al-Mutadaffiq ala Hada'iq al-Azhar. Donc c'est un sharh d'un livre qui s'appelle Hada'iq al-Azhar. Donc il explique le livre, et dans le livre il y a une parole qui dit il n'est pas permis qu'il y ait deux imams, qu'il y ait deux dirigeants. Donc là, l'imam Shawkani, il explique qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'il ne peut pas y avoir deux dirigeants. Il dit وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر كذلك ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر فأقطار وأقطاره التي رجعت إلى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ووجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب وتجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدري من قام منهم أو مات فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق. Donc on va commencer par traduire cette partie. Donc l'imam al-Shawkani, il dit après la grande propagation de l'islam et que les frontières des musulmans ou les territoires des musulmans se sont élargis et que les limites des différents territoires se sont éloignées, alors il dit que c'est certain que après ça, dans chaque région il y a un dirigeant, il y a un sultan, et dans l'autre région il y a aussi un autre dirigeant, un autre sultan. Et il dit wala yan'aqidu li ba'dihim amrun wala nahyun fi qutr al-akhar. Donc les ordres et les ententes qu'il fait dans un pays, ça s'applique pas dans qu'est-ce qui est dans le pays de l'autre où il y a un autre dirigeant. Il dit donc il n'y a pas de mal dans ce cas-là qu'il y ait plusieurs dirigeants, dans un dirigeant pour chaque contrée ou chaque différent pays. Et il est obligatoire à ceux qui habitent dans ces pays-là d'obéir et donner l'allégeance à ceux qui est au pouvoir chez eux et qui fait et de faire exécuter ses ordres et ses interdictions. Et la même chose pour le dirigeant qui habite dans l'autre région. Chacun est indépendant dans ce sens-là. Et donc, s'il dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, il dit, si quelqu'un se lève et essaie d'opposer dans une région celui qui est au pouvoir et de disputer son autorité, dans ce cas-là, yani, si les gens ont donné l'allégeance à ce dirigeant-là, puis que c'est lui qui est au pouvoir dans cette région-là, si quelqu'un essaie de lui enlever le pouvoir, dans ce cas-là, le jugement à ce sujet-là, c'est qu'il doit être exécuté, sauf s'il se repent, s'il ne se repent pas d'avoir fait ça. Il dit, et il n'est pas obligatoire aux gens qui habitent dans une région autre, à un autre endroit, d'obéir à l'autre dirigeant, ni de rentrer dans sa tutelle ou sous sa tutelle ou bien dans son autorité, à cause de la distance qui les sépare. Et du fait que, étant donné qu'un imam il est dans une région, puis l'autre il est dans l'autre région, et tellement qu'ils sont éloignés que qu'est-ce qui se passe d'un côté, l'autre il ne peut pas le savoir. Et s'il y en a quelqu'un d'autre qui est mort dans l'autre région, l'autre il va même pas savoir si il peut pas l'entendre parce que ça fait tellement longtemps. Un exemple de ça, c'est comme quand par exemple à l'époque il y avait les musulmans qui le khilafa qui était à Bagdad et en Andalousie il y avait un autre khilafa ou bien un autre dirigeant là-bas en Andalousie. Donc s'il se passe quelque chose en Irak ou en Bagdad, celui qui est en Andalousie, il ne va pas le savoir. Si on va dire le khalifa qui était à Bagdad, il était mort. L'autre, il n'allait pas le savoir peut-être avant 2 mois. Hein? Les nouvelles à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, tu vois. Donc c'était difficile de diriger une grande espace et une grande surface de cette façon. Et c'est pour ça que chaque région est devenue indépendante. Aujourd'hui, ce serait très facile de réunir tout, parce que la communication est rapide. Les communications sont très rapides. Regardez les États-Unis, c'est très grand. Il y a combien d'États aux États-Unis? 50, 51, 52, 54? 54 États. Et puis, ils sont tous capables de... d'être unis. Oui, c'est ça. Mais il y a un gouvernement central. Oui, c'est ça. Donc ce serait possible que si par exemple, on va dire, si tous les dirigeants musulmans maintenant dans les différents pays, supposons qu'ils disaient bon, on va tous faire un gouvernement pour et que chaque dirigeant de chaque pays va être l'amir de ce pays-là, mais il y aura un dirigeant qui sera à leur tête et qui va qui va être au-dessus d'eux, tu vois, qui va réunir les musulmans. Peut-être, Allahu a'lam. Non, c'est pas une condition. Pour que quelqu'un soit un dirigeant, c'est pas nécessaire, c'est pas une condition qu'il soit le plus pieux ou le plus savant. C'est bien qu'il soit pieux et qu'il soit savant. Mais s'il n'a pas ça, on va pas dire que, ah non, il n'est pas notre dirigeant. C'est ça qu'on expliquait tantôt, en fait. Non, donc, il dit donc que, وَلَا تَجِبْ طَاعَةُ أَهْلِ الْقُطْرِ الْآخَرِ طَاعَتُهُ والدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدرى من قام منهم أو مات فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق. On va lire la suite. Il dit وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال البلاد والعباد فاعرف هذا فإنه من المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة ودع عنك ما يقال في مخالفته فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة ولأنه لا يعقلها. Donc il dit tout ce qu'on a mentionné, on sait très bien, yani, que c'est des choses réelles. Toute personne qui connaît les états des pays et des hommes, il sait que ça c'est une réalité, que quand les pays sont trop grands et que les espaces sont trop vastes, c'est très difficile à gérer. Et donc il dit sache cela, et il dit que ça c'est quelque chose qui est en accord avec les règles de la charia et qui est en accord avec ce que les preuves de la charia ont confirmé, et laisse tomber ce qui vient en opposition avec qu'est-ce qu'on a mentionné comme preuve, laisse tomber ce qui l'oppose comme opinion des gens, parce que la différence entre l'État, comment les musulmans géraient au début de l'islam, comme à l'époque de Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Osman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, il y avait un seul khalifa pour toute la umma. Ça, c'est un état au début de l'islam, c'est une situation. Puis comment la, il dit l'imam al-Shawkani, comment la umma est à notre époque, c'est aussi différent, c'est la différence entre les deux est plus claire que le soleil en plein jour. C'est-à-dire que la région, déjà la distance qu'il y avait à parcourir, puis la superficie des territoires était beaucoup plus petite à l'époque de Abu Bakr et de Omar et de Othman et de Ali que qu'est-ce qui est arrivé par la suite, puisque les territoires s'étaient rendus de l'Espagne jusqu'à la Chine, hein. Et donc c'était pas facile de gérer tout ça, et surtout à l'époque il n'y avait pas des moyens de communication aussi rapides qu'aujourd'hui. Donc il dit celui qui renie ça, qui nie la différence entre l'époque au début de l'islam puis qu'est-ce qui est arrivé par la suite, il dit c'est une personne, il ne mérite même pas qu'on lui mentionne les preuves parce qu'il n'est pas capable de les comprendre. Donc ça c'est la fin de la citation de l'imam al-Shawkani. Il dit فهذه أقوال ثلاثة من علماء الأمة المجتهدين تقرر صحة تعدد الأئمة في بيعة الاضطرار معولها على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية والمصالح الكلية وقد سبقهم إلى نحو هذا ثلة من العلماء المحققين ومن ذلك قول العلامة ابن الأرزق المالكي قاضي القدس إن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان وقال ابن عرفة فيما حكاه الأبي عنه فلو بعد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة جاز نصب غيره في ذلك القطر. وللشيخ علي الدين وللشيخ علم الدين من علماء العصر بالديار المصرية يجوز ذلك للضرورة. أوكي. Donc il dit, le Cheikh Abdus Salam ibn Burjis, il dit ça c'est trois paroles qu'on a mentionnées de trois grands savants parmi les mujtahidin, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, l'imam al-Sana'ani et l'imam al-Shawkani. Les trois ont dit que c'est possible qu'il y ait plusieurs dirigeants dans la Umma et que chacun est responsable de la région dans laquelle il est au pouvoir. Et que ça c'est dans la situation de nécessité. Et c'est supporté par les preuves de la charia, les règles et les intérêts de la charia aussi. Tout ça, c'est supporté par des preuves. Et il y a des savants qui les ont précédés dans cette position-là. Et il cite parmi ces savants-là un qui s'appelle Ibn al-Arzaq al-Maliki, qui était le qadi, le juge de Quds à l'époque. Il dit que la condition de dire qu'il faut qu'il y ait seulement un seul dirigeant dans toute la Umma, ça c'est, il dit, et qu'il ne doit pas y en avoir un autre, ça c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire s'il y a une excuse. C'est pas quelque chose qui est nécessaire s'il y a une excuse qui empêche que ce soit comme ça. Et il dit que Ibn Arafa, dans qu'est-ce qu'il a cité ou qu'est-ce qu'il a mentionné de Al-Ubay ou Al-Ubayyu, il dit si par exemple le dirigeant de la Umma, le Khalifa, est à un endroit et que il dit que son jugement ou sa parole ne peut pas être exécutée dans des endroits qui sont très très loin, dans ce cas-là c'est permis de désigner un autre dirigeant dans cette région-là qui va lui être responsable de cette région, parce que l'ordre de ce dirigeant qui est au pouvoir, elle ne peut pas arriver à être exécutée jusqu'à très très loin parce que c'est trop loin. Donc dans ce cas là c'est correct qu'il y ait un autre dirigeant à cette région là qui va être lui le responsable. Et également il y a une parole dans ce sens là aussi de Alamuddin un cheikh qui s'appelait Alamuddin, parmi les ulama de l'Égypte, il a dit que c'est permis pour une nécessité. Fin de la citation. Il dit: وقد حكى العلامة ابن كثير الخلاف في هذه المسألة وذكر قول الجمهور القائلين بعدم الجواز ثم قال وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين في ذلك قلت وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب انتهى كلامه وقال المازري في المعلم العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلى أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تثبيره حتى يضطر إلى إقامة إمام يدبرهم فإن ذلك يسوغ لهم انتهى كلامه وهذه النقول الواضحة يتجلى ما عليه وبهذه النقول الواضحة يتجلى ما عليه بعض المحققين من أهل العلم من جواز تعدد الأئمة للضرورة والحاجة وعليه يثبت شرعا لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجودا فيقيمون الحدود ونحوها ويسمع ويطاع لهم ويحرم الخروج عليهم ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه فإذا فرض أن الأمة خرجت عن هذا أو عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق انتهى كلامه donc ensuite l'imam le cheikh Abdul Salam il cite les paroles de l'imam Ibn Kathir et il mentionne à ce sujet la divergence qui existe et il mentionne que la majorité ont dit que c'était pas permis qu'il y ait plusieurs dirigeants toutefois il y a des ulama comme on a mentionné qui ont dit que oui c'est permis dans une nécessité ou dans certains cas et il dit que l'imam al-Haramain l'imam al-Haramain il a cité de l'Ustaz Abi Ishaq qu'il a rendu permis qu'il y ait plusieurs imams si les régions sont éloignées et que les régions sont tellement éloignées que c'est pas possible qu'il y ait un seul dirigeant dans ce cas-là ils ont dit que c'était permis et l'imam al-Haramain il a hésité dans cette situation puis il a hésité de prendre position il dit ensuite à Ibn Kathir et ça ressemble à la situation des khulafa de Bani al-Abbas en Irak alors qu'en Égypte il y avait les Fatimiyyin et en même temps les Umayyin au Maroc parce que vous savez comme on a mentionné l'exemple au dernier cours que les Abbasides quand ils ont pris le pouvoir sur les Umayyins ils ont massacré les Umayyins hein et il y en a un d'entre eux qui s'est enfui et qui est allé jusqu'en Andalousie et c'est lui qui a établi un empire là-bas en Andalousie et donc c'est pour ça que en Andalousie c'était les Umayyins qui étaient au pouvoir là-bas pendant que les Abbasides étaient au pouvoir en Irak et dans le reste de la Umma. Donc c'est pour dire que déjà c'est des choses qui sont arrivées dans l'histoire. وقال المازري في المعلم donc المازري il a dit dans son livre المعلم que de donner la bay'a à deux imams en même temps il dit à une même époque il dit c'est pas permis et il dit certains savants qui sont venus plus tard parmi les ulama de usul ont dit que lorsque les régions et les contrées, les pays, les territoires des musulmans deviennent très vastes et très grands et que certaines, dans certaines régions, on ne peut pas recevoir l'ordre ou les informations du dirigeant en question, et ses ordres et ses décisions. Donc dans ce cas-là, on est obligé d'établir un autre dirigeant qui va gérer les affaires des musulmans qui vivent dans cette région-là. Dans ce cas-là, il dit que c'est permis. Fin de la citation. Donc il dit ça, c'est des citations claires qui clarifient pour nous ce que les savants vérificateurs parmi les hommes de science ont mentionné sur le fait qu'il est permis qu'il y ait plusieurs dirigeants lorsque c'est nécessaire ou lorsqu'il y en a un besoin. Et donc, par conséquent, on va, c'est permis légalement, selon la charia, que ces différents imams aient les mêmes responsabilités, les mêmes devoirs que le grand khalifa, celui qui serait le grand dirigeant de toute la Ummah, s'il était présent. C'est-à-dire qu'ils doivent faire respecter les peines islamiques et ils doivent être écoutés et obéis dans le bien, et il est interdit pour les musulmans de se révolter contre eux. Donc ça a clarifié et ça répond à qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à ceux qui prétendent que l'écoute et l'obéissance aux dirigeants et de ne pas se révolter contre eux, c'est seulement contre le grand khalifa qui serait le dirigeant de toute la Ummah en même temps. Donc ça, c'est totalement faux. Et il dit, وَيَقُولْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ إِبْنُ تَيْمِيَ رَحِمَهُ اللَّهِ. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, la sunna, c'est qu'il y a un seul dirigeant pour les musulmans. Et tous les autres dirigeants sont ces nouwab, c'est-à-dire ces ministres ou ces députés. Ok. Donc, si on suppose que la Oumma sort de cette situation idéale, qu'elle n'a plus un seul dirigeant, à cause d'un péché de la part de certains ou de l'incapacité des autres, et qu'il y aurait plusieurs dirigeants, alors il dit, dans ce cas-là, il serait obligatoire, et il est obligatoire à chacun de ces dirigeants-là, dans la région où il est, de faire appliquer les peines de la charia et de respecter les droits. De faire respecter les droits des musulmans dans la région où il est. D'accord ? Donc ça, c'est pour la règle numéro 4. Maintenant, la règle numéro 5, Al-Qa'idatul Khamisa. Al-A'immatul ladhina amara al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bita'atihim humul a'immatul mawjudun al-ma'lumun al-ladhina lahum sultanun wa qudra. Amma man kana ma'duman أو لا قدرة له على شيء أصلا فليس داخلا فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الولاة. Donc qu'est-ce qu'il dit comme règle numéro 5, c'est-à-dire que les dirigeants que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a ordonné d'obéir, ce sont les dirigeants qui sont présents et qui sont connus, ceux qui ont réellement un pouvoir et une autorité. Pas des. Il dit, si c'est des gens qui n'existent pas ou qu'ils n'ont aucun pouvoir réel à la base, alors ils ne rentrent pas dans ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'écouter et d'obéir. Et il y a des exemples qui me viennent à l'esprit juste en lisant cet exemple. C'est qu'il y a des gens, par exemple, ils ont une jama'a et ils ont un amir, mais leurs amirs n'ont aucune autorité politique ou un pouvoir politique. C'est juste, ils ont pouvoir sur leur groupe dans leur région. Ça, on a dit déjà au dernier cours que c'est une bid'a. Et déjà, c'est pas eux que le prophète sallam nous a ordonné d'obéir. Hein? Parce qu'il y en a qui pensent que c'est ça, le khalifa, c'est ils ont un petit chef de leur jama'a, ils pensent qu'il est comme pour eux, c'est lui le khalifa. Tu vois? Comme Daesh, qui pense que leur dirigeant, c'est le khalifa de la Ummah. C'est des exemples comme ça. Alors qu'il n'a pas de pouvoir sur toute la Ummah. Ça, c'est un khariji. Donc, c'est des gens qui font de façade, fil art. Donc, c'est sûr que c'est des gens qui, en tout cas, leur sort est. On va voir qu'est-ce qui va leur arriver. Ben, c'est juste pour te dire que c'est clair qu'ils ne vont pas rester. Ils vont pas rester là longtemps. On ne sait même pas où il est, qu'est-ce qu'il fait de toute façon. L'important, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les dirigeants, ce sont ceux qui sont réellement au pouvoir. Comme par exemple, les Shia, Rafida. Ils ont 12 imams. Et le dernier, ça fait 1200 ans qu'il est, selon eux, en état d'occultation. Ça veut dire qu'il est disparu, il est rentré, il est devenu invisible. Et qu'il se cache dans une grotte. Et que, à la fin des temps, il va réapparaître pour venger Ahlul Bayt, pour venger la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils prétendent que ce dernier imam, c'est le Mahdi qu'ils attendent. Pour eux, il est déjà vivant, il existe en ce moment-là. Depuis 1200 ans, il est caché. Il est invisible. Et c'est lui qui dirige le monde. C'est lui qui contrôle le monde en ce moment. Donc, ils disent que, yani, quand il va sortir, il va aller à Médine, puis il va faire sortir Abu Bakr et Omar, et il va les accrocher sur un arbre, et puis il va les torturer comme ça, en tout cas. Allah al-Musta'an. Et il croit qu'ils vont faire sortir tous ceux qui ont trahi Ali, radiallahu anhu, ils vont les châtier, et ainsi de suite. Donc ça fait partie de leur superstition et de leur fausse croyance. Mais c'est pour dire qu'eux, ils croient vraiment que c'est leur imam, et que lui, il est au pouvoir. Il n'existe même pas, déjà. Donc ça, c'est un exemple. Il y a aussi les soufis. Les soufis, ils ont aussi des imams, des chouyours à qui ils donnent bay'a. Et quand leur cheikh de la tariqa, il meurt, ils désignent un khalifa de la tariqa. Donc ils disent, par exemple, un tel, c'est le khalifa de notre tariqa. Tu vois? Alors qu'ils n'ont aucun pouvoir. C'est pas eux qui ont un pouvoir politique. Ils ont seulement un pouvoir sur les ignorants et les égarés qui les suivent et qui les obéissent aveuglément. Donc, ça c'est pour comprendre que c'est pas de eux qu'on parle. On parle des vrais dirigeants, ceux qui sont au pouvoir, qui ont une autorité réelle. Donc il dit, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. انتهى كلامه. Donc il dit dans منهاج السنة, Cheikh al-Islam, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'obéir les dirigeants qui sont présents, qui existent et qui sont connus. Ceux qui ont une réelle autorité et un réel pouvoir sur la politique des hommes. Et non pas d'obéir des gens inconnus ou des gens qui n'existent pas. Ni des gens qui n'ont aucun pouvoir et aucune autorité à la base. D'accord ? Donc ceux qui sont au pouvoir, qui sont les dirigeants officiels des pays, c'est eux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'obéir et d'écouter. Parce qu'il y a des musulmans comme ça, c'est ça. C'est comme le frère il a dit tout à l'heure, le terme khalifa, il pense qu'il faut que pour que ce soit quelqu'un à qui on est obligé d'obéir, que ce soit quelqu'un qui se donne le titre de khalifa ou amir al-mu'minin ou des choses de ce genre. Et c'est pas obligatoire. Du moment que quelqu'un, c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui le président, c'est lui le chef, c'est lui le roi, hein. Peu importe le nom qu'il se donne, ou le titre qu'il se donne, c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui que tu dois obéir, hein, et que tu dois écouter, comme c'est mentionné dans le hadith. Il dit, wa hujjatu hadha, أن مقاصد الإمامة التي جاء الشرع بها من إقامة العدل بين الناس وإظهار شعائر الله تعالى وإقامة الحدود ونحو ذلك لا يمكن أن يقوم بها معدوم لم يوجد بعد ولا مجهول لا يعرف. Donc il dit, la preuve dans qu'est-ce qu'on mentionne maintenant, c'est que les intérêts et les intentions pour lesquelles on établit un dirigeant tel que c'est dans la charia, c'est pour établir la justice entre les hommes. Quand il y a un dirigeant, tu veux de l'eau? Ah ok, désolé. Donc c'est ça, le but pour lequel dans la charia on établit un dirigeant, c'est pour établir la justice entre les hommes, pour faire en sorte que les rituels et les principes de la religion de l'islam soient apparents, pour établir les peines lorsqu'il y a quelqu'un qui commet un crime. Et il n'est pas possible de faire en sorte que ces choses-là soient appliquées si le dirigeant en question n'existe pas, hein, si ce n'est pas quelqu'un de réel, et non plus si c'est quelqu'un qui est inconnu, caché quelque part, ou quelqu'un qu'on ne sait même pas qui il est. Tu vois, tu peux pas dire, par exemple, les chiites, comme je disais tantôt, ils ont 12 imams. Hein, ils ont 12 imams. Tu demandes aux musulmans, regarde historiquement, est-ce que aucun d'entre ces 12 imams, à part Ali, radiallahu anhu, qui n'a rien à voir avec eux, mais que eux prétendent que c'était un de leurs imams, subhanallah, à part Ali et Al-Hassan, il n'y en a aucun d'entre eux qui a eu le pouvoir. Il n'y en a aucun. Et même Al-Hassan, hein, radiallahu anhu, le fils de Ali, radiallahu anhu, subhanallah, il a laissé son pouvoir à Muawiyah volontairement pour éteindre la fitna. Donc, comment tu regardes ça, tu dis, bon, ces gens-là prétendent qu'il y a eu 12 imams. Sur ces 12-là, il y en a seulement deux qui ont eu réellement le pouvoir, et un d'entre ces deux-là, il a décidé lui-même de donner son pouvoir à Muawiyah. Donc, quand est-ce que ces dirigeants, ces 12 imams-là ont supposément été des vrais dirigeants? Jamais. Hein? À part Ali, radiallahu anhu. Et il n'a rien à voir avec eux. Ni Hassan, hein, ni Al-Hassan. Donc, c'est pour dire dans ce cas-là, on ne parle pas de ça, des gens qui s'imaginent, qui ont l'idée que ce sont des dirigeants. La même chose pour les Soufiens ou les autres gens des Gamas. Comme par exemple les Ismaïliyas, ce qu'on appelle l'Ismaïliyas. Eux ne sont pas musulmans, mais ils se disent musulmans, tu comprends. Puis ils ont. C'est une des sectes parmi les sectes des Shi'as. Et eux, au lieu de croire en 12 imams, ils croient en 8 imams, puis en ses descendants. Donc aujourd'hui, là, c'est ce qu'on appelle les Aga Khan. Et l'Aga Khan, qui est actuellement le chef des Ismaïliyas, maintenant. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils se sont tellement mélangés avec le temps qu'aujourd'hui, si tu le vois, il a l'air d'un Européen. Tu vois, un Européen. Et ben, eux, tu les retrouves pas juste en Inde. Hein, tu les retrouves en Afghanistan, en Inde, en Afrique. Oui, ils ont pas juste à Toronto, ils ont des centres dans plusieurs villes. Non, c'est pas les Ahmadiyya, c'est les Ismaïliyya, na'am. Donc, Aga Khan, il est reçu par exemple, le Parlement canadien et par la Reine d'Angleterre comme un souverain, comme quelqu'un qui est un vrai président d'un pays. Mais il n'a aucun pays. Hein? Il n'a pas de pays, c'est pas un vrai souverain. Il n'a aucune autorité politique pour de vrai. Mais il a le titre de souverain parce qu'il est chef de la secte des Ismaïliyas. Mais quand il vit au Parlement, il l'accueille comme si c'était un dignitaire, comme si c'était un roi ou quelque chose. Donc c'est pour dire ça, c'est pas de ces dirigeants-là qu'on parle. On parle de ceux qui ont réellement un pouvoir réel. Il dit « Wa innama yaqumu biha » الإمام الموجود الذي يعرفه المسلمون. Donc il faut que les musulmans connaissent leurs dirigeants, ils savent c'est qui. Si tu dis c'est quelqu'un caché dans une grotte qui va appliquer la justice, quelle justice? On le voit même pas, on sait même pas qui il est. Donc c'est pas lui le dirigeant. Eh non. Ouais, comme Al-Baghdadi, ouais, exactement. Donc ça, c'est pas de celui-là qu'on parle. Donc il dit ورجالهم ونساؤهم والذي له قدرة على إنفاذ مقاصد الإمامة فإذا أمر برد مظلمة ردت وإذا حكم بحد أقيم وإذا عزر نفذ نفذ تعزيره في رعيته ونحو ذلك مما هو من مظاهر السلطان والولاية وهذا هو الذي يحقق الله على يديه مصالح المسلمين فتأمن به السبل وتجتمع عليه الكلمة وتحفظ به بيضة أهل الإسلام. Donc c'est ça. Donc le dirigeant qui est au pouvoir, c'est celui que les musulmans en général connaissent, que ce soit des ulama ou des gens du commun, des jeunes ou des vieux, des hommes ou des femmes, tout le monde sait que c'est lui le dirigeant. Donc c'est lui qui est au pouvoir. Hein? Donc justement, comme il y a peut-être deux jours ou quelques jours, il y a le roi Abdullah, yani, qui est mort, rahimahullah, et là, tout de suite, on a donné la bay'a à son successeur, Salman. Et c'est lui qui a été maintenant le roi. Et tout le monde, parmi les Saoudiens maintenant, que ce soit des petits ou des grands, des hommes ou des femmes, des ulama ou des gens du commun, tout le monde sait que le roi, c'est lui maintenant. Hein? Bien sûr. Et en même temps, s'il donne un ordre, les gens vont l'écouter, ils vont l'obéir. S'il a, comme le cheikh il dit, il a le pouvoir d'établir et de faire exécuter ses ordres. S'il y a une injustice, il peut la ramener. S'il y a une peine qui doit être jugée, il l'établisse. S'il demande qu'une personne soit punie par rapport à une transgression ou un crime quelconque, elle va être punie. Et ça fait partie des choses qui sont apparentes du fait que quelqu'un est un dirigeant et qu'il est au pouvoir. Et c'est par cela que Allah subhanahu wa ta'ala va faire appliquer par sa main les intérêts et les bienfaits des musulmans, et qui va faire en sorte que les chemins vont être sécuritaires et que la parole des musulmans va être réunie et qu'on va pouvoir protéger les territoires de l'islam. Hein? Après il dit فَمَنْ نَزَلَ نَفْسَهُ مَنْزِلَةَ وَلِيِّ الْأَمْرِ الَّذِي لَهُ الْقُدْرَ وَالسُّلْطَانَ عَلَى سِيَاسَةِ النَّاسِ فدعا جماعة للسمع والطاعة له أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها أو دعا الناس إلى أن يحتكموا إليه في رد الحقوق إلى أهلها تحت أي مسمى كان ونحو ذلك وولي الأمر قائم ظاهر فقد حاد الله ورسوله وخالف مقتدى الشريعة وخرج من الجماعة فلا تجب طاعته بل تحرم ولا يجوز الترافع إليه ولا ينفذ له حكم ومن آزره أو ناصره بمال أو كلمة أو أقل من ذلك فقد أعان على هدم الإسلام وتقتيل أهله وسعى في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Donc le cheikh il dit, donc toute personne qui se désignerait lui-même un degré ou un statut comme étant un dirigeant ou un amir ou un wali ou amr, hein, et qui voudrait se désigner comme si il était un sultan ou quelqu'un qui a une position, un pouvoir politique, et qui appelle les gens à lui donner la bay'a et à l'obéir, et que les gens de ce groupe lui donnent effectivement une bay'a, il l'écoute et lui obéit, et qu'il appelle les gens à juger vers lui et à ramener les droits vers lui, peu importe le nom qu'il se donne, dans qu'est-ce qu'ils font, alors qu'il y a déjà un dirigeant qui est présent et au pouvoir, alors celui qui a agi comme ça, il s'est mis en opposition avec Allah et son messager, et il a contredit ce qui est impliqué par la charia, et il est sorti de la jama'a. Donc ça c'est l'exemple de l'autre là, al-Baghdadi, parce qu'en Irak il y a déjà un dirigeant, hein? Donc il ne peut pas venir puis dire ça y est, c'est moi le dirigeant maintenant, hein? Ou des choses comme ça, puis commencer à faire un groupe. Ou bien la même chose pour Al-Qaïda ou les autres groupes de Khawarij, c'est la même chose. Et là il dit alors celui qui agit comme ça, il dit, il est sorti de la jama'a et il n'est pas permis de lui obéir, même que c'est interdit de lui obéir. Et il n'est pas permis de ramener des questions, des problèmes vers lui pour que il se mêle de ces problèmes-là, ou de lui demander d'exécuter un jugement. Et toute personne qui le supporte ou qui le défend par une parole ou moins que ça, alors il a aidé à détruire l'islam et à tuer les pratiquants de l'islam. Et il a répandu sur la terre du désordre. Et Allah n'aime pas les gens qui font du désordre et de la corruption. Non, donc, on est arrivé, comme on avait dit, j'avais dit qu'on allait faire le point numéro 3, 4 et 5. Donc, c'est ça, on a complété ces trois points-là. Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Et le prochain cours, Inch'Allah, on va parler de Mura'at al-Shari' li-Hakim, Mura'at al-Shari' al-Hakim li-Tawqir al-Umara' wa-Ihtiramihim. Donc les principes ou les exemples dans la charia, comment dans la charia on doit respecter le dirigeant et avoir du respect pour nos dirigeants. Donc ça ce sera le dernier parmi les règles, parce qu'il y a 6 règles. Donc ça c'est la sixième règle qui reste à faire. Puis avec cette sixième règle, on va avoir complété le premier chapitre du livre. Et on va rentrer par la suite dans le deuxième partie du livre, qui est d'expliquer le haut degré ou le haut statut du dirigeant selon la charia d'Allah. Et donc c'est ça, on s'arrête ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On fait comme baraka. Ok, vas-y.